qu'on vit à faire, c'est une expérience de pensée. Je ne sais pas si vous connaissez ce film Men in Black, dans lequel l'acteur Will Smith incarne un agent qui a cet appareil, le Neuralizer, qui a le pouvoir de faire oublier aux gens des choses qu'ils viennent de voir et qu'ils auraient mieux fait de ne pas voir. Et donc je vais vous convier à imaginer que vous avez oublié subitement tout ce que vous savez de l'utilisation des ordinateurs, des interfaces que vous pratiquez chaque jour. Et non seulement vous, vous avez oublié ce que c'est, mais au même moment, un virus venu de l'espace a effacé de nos ordinateurs toutes les applications. Les données, les informations, les données sont toujours là, je vous rassure. Mais Word n'est plus là, Google Docs n'est plus là, Photoshop n'est plus là, etc. Et la question que je nous pose, c'est voilà, est-ce que si l'on devait réinventer les interfaces, est-ce que l'on aurait la même chose que ce que l'on a aujourd'hui sur nos écrans? Je pense que non. Je pense que non pour une bonne raison, c'est qu'en fait, les interfaces actuelles, qui se ressemblent toutes, elles ont été conçues à l'origine pour ses utilisateurs. Dans les années 80, Xerox PARC notamment a été conçu une série de systèmes qui étaient destinés à des secrétaires de direction dont le job, c'est de taper des mémos que leur patron ont écrit ou annoté à la main, d'organiser de l'information évidemment, mais dans un contexte bureautique très particulier. Et les interfaces de l'époque, ça c'est l'écran du Xerox Star 1981, n'ont vraiment rien à envier à ce que vous avez aujourd'hui sur vos écrans. Vous voyez un peu plus de couleurs. Mais si on a des fichiers, si on a des dossiers, si on a une corbeille à papier, c'est parce que, en fait, c'était pour faire de la bureautique. Mais évidemment, depuis, les usages de l'informatique se sont largement diversifiés. Et même si on fait tous, j'imagine, plus ou moins du travail de secrétariat, et on fait de l'informatique à beaucoup tuer ces jobs-là, il ne faut pas l'oublier aussi, mais on fait beaucoup d'autres choses, des activités créatives, des activités évidemment professionnelles, personnelles, etc. Et donc, il est difficile d'imaginer que si l'on inventait aujourd'hui des interfaces pour faciliter tous ces cas d'usage, on imagine exactement le même genre de choses que l'on a aujourd'hui avec des fenêtres, des fichiers, des documents, des applications, etc. Et donc, je pense que l'exercice qui est difficile, c'est d'oublier en fait ce qui existe déjà, pour imaginer quelque chose, pour imaginer d'autres futurs. Alors les futurs, on peut les regarder du côté d'Hollywood, et on peut se dire, voilà, dans le futur, on va être tous Tom Cruise dans Minority Report, avec nos écrans transparents. Je ne sais pas si vous avez déjà travaillé sur un écran transparent, mais ça n'a aucun sens. Faire des gestes. Nous, on a expérimenté. Les gestes, c'est bien, les gens aiment beaucoup, mais alors c'est fatigant, c'est pas précis, etc. Et puis, il faut les apprendre. Donc ça, c'est un futur possible. Un autre futur, c'est Iron Man. Donc c'est l'homme augmenté. Et puis il y a des gens qui travaillent activement sur ce genre de technologie. Alors, prévoir le futur, comme Alan Kay l'a dit, la meilleure façon de prévoir le futur, c'est de l'inventer. Donc comment est-ce qu'on peut imaginer ces futurs et ces évolutions des interfaces? Alors, je vais prendre un petit peu de recul et essayer d'expliquer que les interfaces, on peut les envisager de différentes façons. On parle de paradigme d'interaction, et on peut identifier trois grands paradigmes dans la façon dont on utilise les systèmes informatiques aujourd'hui. Le premier, le paradigme dominant, c'est celui de l'ordinateur comme outil, une espèce de super couteau suisse. Et on parle d'interface à la première personne parce que l'outil, il faut l'outil. S'il n'y a pas quelqu'un qui sait se servir de l'outil, l'outil tout seul ne sert à rien. Donc aujourd'hui, la plupart des applications informatiques et des systèmes informatiques sont fondés sur cette notion d'interaction à la première personne où on doit tout faire soi-même, même si l'outil en lui-même peut être puissant. Et puis on voit apparaître, mais la recherche a exploré depuis longtemps, des interfaces à la seconde personne qui, au lieu de faire soi-même, sont sur la logique du faire-faire. Donc l'ordinateur comme partenaire. Donc ça, c'est souvent incarné par des avatars, des systèmes à commande vocale, par exemple, où je délègue des tâches. Donc je ne fais pas moi-même, je fais faire. Des fois, c'est très agréable de faire faire. Des fois, c'est frustrant si la personne ne comprend pas bien ce qu'on veut faire. Et puis, il y a un troisième grand paradigme, c'est le paradigme de l'ordinateur comme média, le paradigme d'interaction à la troisième personne, si on veut, c'est-à-dire que l'ordinateur est là pour faciliter la communication entre êtres humains par différents canaux, du mail aux réseaux sociaux. Alors aujourd'hui, je vais beaucoup parler du premier paradigme, parce que c'est celui que j'ai le plus étudié. Mais en fait, je pense que ces trois paradigmes, ils doivent cohabiter. Aujourd'hui, ils sont extrêmement séparés les uns des autres. Si vous avez une interface vocale pour communiquer avec votre ordinateur, elle sait faire un certain nombre de choses. Mais si vous avez une application graphique, vous ne pouvez pas l'utiliser par commande vocale, en général. Je sais qu'il y a toujours des exceptions. De même, si vous voulez partager un document, vous allez utiliser Google Docs, et puis pour voir la personne ou parler à la personne, vous allez lancer Skype à côté, par exemple. Et donc, on est dans des environnements où ces modalités, ou ces modes d'interaction, ces paradigmes d'interaction, sont un peu isolés les uns des autres, et moi, je pense qu'ils doivent être vraiment mis ensemble. Alors, si on se concentre un peu plus donc, sur les interactions à la première personne, qu'est-ce qui existe aujourd'hui ? Bah, vous connaissez bien, c'est les interfaces graphiques, qu'elles soient sur votre ordinateur, sur votre tablette ou sur votre smartphone, c'est quand même plus ou moins la même chose, et c'est fondé sur une représentation visuelle des objets et la possibilité de désigner ces objets pour interagir avec. Donc ça, c'est le grand point commun, et ça a été la grande révolution des années 80 qui s'est accompagnée, qui a accompagné la généralisation de l'informatique personnelle, comme on dit. Ce que l'on voit aujourd'hui émerger quand même assez récemment, mais de manière assez importante, c'est l'interaction vocale avec Siri, avec Cortana, avec Alexa. C'est souvent des voix de femmes, d'ailleurs, vous avez remarqué. Et donc ici, on est dans une modalité d'interaction qui est effectivement plus à la seconde personne. On fait faire, mais ces assistants, ils ne savent pas faire grand-chose. Par exemple, si je lui dis « je dois prendre un billet de train pour aller à Lyon demain », et puis que je lui dis « après quel temps il fera », il n'y a pas beaucoup de systèmes qui sont capables de comprendre que je suis en train de lui demander le temps qu'il fera demain à Lyon et pas à Paris. Donc l'interaction vocale est encore assez limitée. Et puis dans le domaine commercial, on voit apparaître des systèmes de réalité virtuelle qui ont aujourd'hui une réalité commerciale. Ça a des applications, mais on n'imagine quand même pas tellement passer sa journée dans un casque de réalité virtuelle comme ça. Donc ça ne va pas être quelque chose qui va se généraliser, certainement pas remplacer les interfaces actuelles. Et bon, l'objectif, ce n'est pas de parler de ce qui se fait aujourd'hui, l'objectif, c'est de parler du futur. Et donc, quels sont les styles d'interaction dans le futur ? Alors moi, je sais une chose, c'est que le futur, il existe déjà, parce qu'en fait, les interfaces que je viens de présenter, la réalité virtuelle, depuis 1968, il y a des systèmes de casques de réalité virtuelle qui ont été expérimentés. La reconnaissance vocale, ça a commencé dans les années 50. Donc forcément, les styles d'interaction qui vont demain remplacer, complémenter les styles actuels, ils existent déjà dans les laboratoires. Donc il suffit d'aller voir ce qui se fait dans les laboratoires. Alors, il y a eu un grand courant de recherche qui se poursuit autour de ce qu'on appelle la réalité augmentée. Alors, le terme réalité augmentée lui-même a été détourné, mais à l'origine, l'idée, c'était de faire des systèmes qui combinaient monde physique, monde informatique. Donc ici, dans le Digital Desk de Pierre Wellner, on a une feuille de papier sur laquelle sont écrits des montants en particulier, là. Et à droite, on a une calculette qui est projetée sur le bureau. Donc on n'a pas un écran à côté, on a une calculette projetée sur le bureau, et le système détecte, lorsque je pointe une zone de la feuille, va aller utiliser la reconnaissance de caractère pour rentrer directement ce montant dans la calculette pour que je n'ai pas besoin de le taper. Donc c'est l'idée, en fait, d'abolir ou d'amenuiser la frontière entre le monde physique et le monde informatique. Et plus récemment, on a ce système réalisé par Chris Harrison à CMU, qui s'appelle Skinput, qui permet de faire la même chose, mais sur votre main. Donc vous avez un téléphone dans la main avec un projecteur sur l'épaule et un système qui est capable de détecter où est-ce que vous tapez sur la main. Et vous avez une interface qui est vraiment l'interface portable ultime puisque elle est complètement virtuelle. Alors ce mouvement de mieux intégrer l'informatique dans le monde physique, on le retrouve avec d'autres approches comme les interfaces tangibles, avec ici des premiers prototypes qui datent des années début des années 90, où l'idée est de manipuler des formes physiques avec des objets, des poignées, numériques, avec des poignées qui sont des objets physiques, d'exploiter notre capacité à utiliser nos deux mains, par exemple, pour changer la taille d'un objet ou pour le déformer, comme on va voir, je pense, dans la dernière petite séquence ici. Et l'idée, c'est que l'être humain est adapté à ce genre de manipulation, et donc, plutôt que de passer forcément par des dispositifs comme la souris, etc., d'essayer de rendre l'interaction plus physique. Il y a tout un ensemble de travaux qui ont aussi cherché à augmenter des objets quotidiens, comme le papier. Le papier, c'est très bien, ça marche très bien le papier, c'est très flexible, et l'ordinateur n'est pas prêt de faire disparaître le papier. Donc ça, c'est un travail fait par un étudiant à nous, Jérémy Garcia, qui, normalement, il devrait y avoir du son, voilà, où en fait, ce stylo interactif, écrit avec de la vraie encre sur du vrai papier, mais le système capture la trace et l'interprète par cette grille qui s'appelle un tonnet, une grille musicale, et donc je peux dessiner une trajectoire, et puis ensuite, en tapant dessus, la rejouer. Dans une autre zone de la feuille, je vais avoir défini la possibilité de jouer des accords, et je peux ainsi fabriquer de la musique sans jamais toucher un ordinateur, de manière explicite, mais en interagissant avec du papier. Autre exemple d'interaction qui a été largement étudiée, c'est l'interaction multimodale. Donc, c'est l'idée de combiner la parole et le geste, comme ici, dans le système de 1981, où en fait, il dit une phrase. Create a blue diamond there. Créer un losange bleu ici. Et donc, le ici est interprété par rapport à la position du pointeur à ce moment-là. Put that there. C'était le nom du système de Rich Bolt. Et donc on voit ici une interaction qui est plus naturelle, puisque c'est des choses que l'on ferait spontanément si l'on voulait contrôler un opérateur, par exemple, faisant les mêmes tâches. On a aussi beaucoup expérimenté l'interaction qui met en jeu le corps entier, et ça c'est des travaux encore très anciens de Myron Kruger, ça a commencé dans les années 70, Videoplace, où l'image vidéo est capturée, affichée à l'écran, et puis on a ce personnage là, animé qui suit les contours de la personne, et puis lorsqu'il se retrouve un peu trop écrasé ici dans un trou, il disparaît. Et donc c'est un des premiers exemples d'interface, bien avant la Kinect et tout ça, qui met en jeu l'interaction du corps entier et pas simplement à travers des périphériques de saisie. Et plus récemment, on a beaucoup expérimenté autour de l'interaction avec des objets virtuels dans un monde 3D. Donc ici, le Holodesk fait par des chercheurs de Microsoft. On capture les géométries des mains dans l'espace en temps réel, et sur cet écran transparent, on affiche des objets virtuels comme ces billes. Et en fait, le système est capable de comprendre non seulement l'interaction avec des mains, mais aussi avec des objets comme ce bol, cette feuille de papier. Je vais faire rebondir la balle virtuelle sur la feuille de papier et ensuite la faire tourner au fond du bol. Et donc, on a vraiment une interaction extrêmement puissante, je dirais, et similaire à celle que l'on a avec des objets physiques. Et puis d'autres travaux de Microsoft encore plus récents ont poussé la chose un peu plus loin en mettant dans une salle un ensemble de projecteurs, un ensemble de Kinect qui permettent de capturer la géométrie de la pièce et donc d'adapter le décor qui est affiché à cette géométrie. Et ici dans un jeu où on doit chasser des monstres qui surgissent des murs, on voit que le système, en tout cas, s'adapte exactement au meuble que vous avez chez vous. Et finalement, ça devient un petit peu difficile de faire la distinction entre le monde physique et le monde numérique. Et puis, le dernier exemple que je vais montrer ici, c'est les travaux faits au Media Lab, où on passe d'écrans plats à des écrans physiques en trois dimensions, avec le système Inform. Et dans ce système, ici, on a un utilisateur distant, dont la position de la main et les objets qu'il met sur la surface sont capturés, sont reproduits à distance par cet écran 3D. Et on voit qu'il peut manipuler une bille à distance. Il peut aussi décupler ses capacités. Il peut prendre sa main et puis la mettre en quatre, comme on l'a vu à l'instant. Il peut manipuler donc des objets physiques. Et on a tout un ensemble de capacités, ici bouger des objets, etc., qui évidemment n'existent pas si on a uniquement des écrans et des objets purement virtuels. Donc lorsqu'on voit, c'est un faible échantillon de travaux que j'aurais pu présenter, et lorsqu'on voit tout ça, on se dit, lesquels vont remplacer nos interfaces graphiques? Moi je pense que la réponse très clairement est aucun. C'est-à-dire que les interfaces graphiques, elles ont des fonctions qui marchent très bien pour un certain nombre de tâches. Il n'y a pas de raison qu'elles disparaissent. De la même façon que l'ordinateur n'a pas fait et n'est pas prêt de faire disparaître le papier, la réalité virtuelle, augmentée, mixte, tout ce que vous voulez, n'est pas prête de faire disparaître les interfaces classiques. Ce que l'on voit, par contre, c'est effectivement deux grandes tendances. La première, c'est cette notion de réalité qui s'appelait augmentée au début, qu'on préfère appeler mixte aujourd'hui, et qui vise à mélanger monde physique et monde numérique pour intégrer mieux les deux mondes, ce qui est aussi un moyen de mieux exploiter nos capacités d'action, notamment dans le monde physique, pour interagir avec le monde numérique. Et puis l'autre, c'est la multimodalité, combiner différentes modalités et pas se dire qu'une interface doit être 100% vocale ou 100% souris ou 100% tactile. Donc la vraie question, c'est pas finalement quelle va être l'interaction de demain. La vraie question pour moi, c'est plutôt comment va-t-on faire pour que ces modes d'interaction cohabitent et pour qu'ils s'enrichissent les uns les autres plutôt que d'être en compétition comme c'est un petit peu le cas actuellement. Et le problème, c'est que je pense qu'on va malheureusement pas tellement dans cette direction, parce que les architectures des systèmes aujourd'hui, l'évolution des business models font que, au lieu de faire des systèmes de plus en plus ouverts, interopérables, on fait des systèmes de plus en plus fermés. On parle des walled gardens, les jardins entourés de murs. On parle de silos d'informations dans lesquels nos données sont emprisonnées et sont à la merci de l'opérateur du cloud, par exemple, qui va décider ce qu'il nous laisse faire ou pas faire avec nos données. Et en fait, c'est un peu une évolution à rebours, parce que si vous regardez historiquement, si vous comparez l'architecture du système de messagerie, je peux, depuis mon Macintosh, utiliser l'application de mail d'Apple pour récupérer les mails qui sont sur le serveur qui est dans mon laboratoire, pour communiquer avec un collègue qui utilise Thunderbird sur Linux et un serveur de mail qui est chez Monsieur Yahoo, ou chez Monsieur Google ou peut-être dans son garage. Et donc ça permet d'avoir en fait une grande diversité d'applications, de modes d'interaction, parce qu'on a spécifié des protocoles. Si vous comparez avec Facebook, Facebook, on est à la merci de Facebook, on utilise l'application de Facebook, nos comptes doivent être tous chez Facebook, et Facebook doit détenir toutes nos données. Et en fait, c'est pas simplement l'interopérabilité entre les systèmes qui est en cause, c'est que même si on prend une application particulière, ces applications sont extrêmement peu flexibles. Les utilisateurs peuvent pas réellement se les approprier, on peut un petit peu les configurer, mais bon, la plupart des gens ne s'y risquent pas, en particulier parce que dans 6 mois, on va leur coller une nouvelle version et ils vont avoir perdu toute leur configuration et tout ce qu'ils ont adapté. Et dans notre équipe, on a l'habitude de dire que « software is not soft », que le logiciel n'est pas flexible. Alors que, a priori, on s'attend à ce que le logiciel soit plus souple que le monde physique. Et là aussi, c'est une évolution à rebours, parce que si on remonte au bon vieux temps des interfaces à ligne de commande et d'Unix, par exemple, parce qu'il y avait un certain nombre de conventions sur le format des fichiers, etc., on avait tout un tas de petits utilitaires qu'on pouvait combiner entre eux, comme une sorte de Lego, avec les pipes, etc., pour vraiment fabriquer un environnement à notre main. Mais aujourd'hui, quand vous achetez une application, Photoshop, Excel, etc., vous achetez l'application, toute l'application, rien que l'application. Vous lui confiez vos documents dans un format souvent propriétaire. Elle vous donne les outils, les commandes qu'elle a décidé de vous donner. Vous ne pouvez pas aller acheter un correcteur orthographique, par exemple, et puis le rajouter dans votre application. Il y a bien sûr des applications qui ont des plugins, etc. Mais de façon générale, l'idée, c'est qu'une application, c'est quelque chose de monolithique et qui est défini par les programmeurs et les concepteurs, mais qui n'est pas prévu pour être adapté par les utilisateurs. Et donc, je pense que si l'on veut vraiment envisager des évolutions assez radicale de l'interaction dans le monde numérique, eh bien, il faut créer des systèmes qui vont permettre cette interopérabilité, qui vont permettre aux utilisateurs de s'approprier ces nouvelles formes d'interaction. Et de manière qui peut paraître paradoxale, je pense que la clé pour permettre cette diversité des formes d'interaction, c'est d'avoir des principes unificateurs qui sont en dessous, le ciment en quelque sorte, de ces différentes formes d'interaction. Et donc c'est ce qui m'a conduit à proposer un projet dont j'ai eu la chance qu'il soit retenu par le Conseil de la Recherche européenne, un projet que j'ai intitulé ONE. Alors ONE, c'est à la fois l'acronyme de ONE is not enough, je vais expliquer dans une seconde, mais c'est aussi une façon de signifier qu'on est à la recherche de ces principes unificateurs de l'interaction pour pouvoir faire des systèmes qui sont plus interopérables et plus ouverts. Alors pourquoi est-ce que one is not enough ? Comme je l'ai expliqué, de mon point de vue, avoir une seule application capable de créer et de manipuler un seul type de fichier, ce n'est pas suffisant. Il faut que les formats des fichiers, des documents, des données soient ouverts pour que chacun puisse fabriquer les applications qui sont appropriées s'il en a envie. Et puis ces applications elles-mêmes, il faut les libérer des appareils dans lesquels elles sont enfermées. Lorsque je travaille sur mon ordinateur et puis que je dois aller prendre le métro, aujourd'hui, pour passer de l'interface et de l'application qui est sur un appareil sur l'autre, c'est franchement la croix et la bannière. Et il n'y a pas de raison que ce soit comme ça. Ce n'est pas un problème technique, on sait faire. Mais on a toujours envisagé ça comme étant un ensemble d'applications différentes. Et aujourd'hui, si elles fonctionnent ensemble, c'est grâce à des services qui sont dans le cloud, qui implique que je dois donner mes données à des gens que je ne connais pas forcément, alors qu'il n'y a pas de raison que le partage de données entre périphériques ne soit pas fait, par exemple, en pair à pair. Et puis enfin, un utilisateur, c'est pas suffisant. C'est évidemment l'informatique personnelle qui a été un grand vecteur de la généralisation du numérique, mais en même temps, toutes nos activités, elles sont collectives, collaboratives. Et donc, aujourd'hui, le fait que je doive changer d'application lorsque je veux créer ou manipuler un document de manière collaborative me paraît aussi complètement aberrant. Et la capacité à partager, à réellement partager des contenus, pas à envoyer des copies à droite à gauche comme on le fait aujourd'hui, mais à réellement partager les contenus, devrait être une fonctionnalité de base, même pas de l'interface, de l'operating system en quelque sorte, pour permettre des vraies activités collaboratives. Alors voilà, donc tout ça c'est bien beau, c'est un constat je pense que beaucoup de gens ont fait à leur manière. Maintenant la question c'est voilà, comment est-ce qu'on on met ça en œuvre et comment est-ce qu'on va identifier ces principes unificateurs qui vont permettre de sortir de cette dictature des applications et des architectures actuelles. Alors, mon approche de cette question, c'est de dire, revenons un peu à la façon dont nous, êtres humains, interagissons dans le monde physique. Parce que si l'on veut créer des systèmes interactifs, il ne faut pas simplement qu'ils soient réalisables techniquement, il faut qu'ils soient quand même adaptés à nos capacités physiques, à nos capacités perceptives, à nos capacités cognitives. Alors comment on interagit dans le monde physique ? On interagit avec nos congénères par le langage, avec certains animaux de compagnie aussi, enfin surtout avec avec d'autres humains par le langage, et puis on interagit par l'action physique. D'accord ? Alors, je vais me focaliser sur l'action physique, ça ne veut pas dire que je ne suis pas intéressé par l'interaction langagière, simplement je ne suis pas spécialiste, et comme j'ai dit tout à l'heure, je pense qu'on a beaucoup à gagner à essayer de combiner ces choses-là, et je suis aussi convaincu que l'approche générale que je présente peut être déclinée pour l'interaction langagière. Mais aujourd'hui, on va parler d'interaction physique, et ce qui est intéressant dans l'interaction physique, c'est que certes, on a parfois de l'interaction physique à main nue, comme on le voit ici avec ce potier, mais en fait, beaucoup de nos interactions, elles passent par l'utilisation d'outils. Il faut des crayons pour dessiner, il faut des ustensiles de cuisine pour faire à manger, il faut des scies et des marteaux pour bricoler, il faut un vélo pour se déplacer un peu plus vite qu'à pied. Et donc, ces outils sont là pour augmenter nos capacités. Et l'être humain est une formidable machine à créer des outils. En fait, c'est la seule espèce dans le monde animal qui crée des outils de manière aussi compulsive. Il y a des animaux qui peuvent utiliser des branches pour aller faire leur nid ou pour aller chercher des fourmis dans une fourmilière, etc. Enfin, un ensemble d'exemples. Mais la capacité à fabriquer des outils pour résoudre des problèmes est vraiment unique à l'homme. Et en fait, elle est tellement caractéristique de l'être humain qu'elle est fondamentalement ancrée dans notre fonctionnement cognitif. Et en fait, de manière assez récente, on a découvert, par exemple, que certains neurones réagissent lorsque je focalise mon attention sur un objet que je peux atteindre de la main. Donc si je suis debout ici, le microphone qui est là, la bouteille sont accessibles. Donc j'ai des neurones qui vont réagir à ça. Mais le verre qui est là, je ne peux pas l'atteindre, donc le neurone ne va pas réagir. Si maintenant je prends un bâton, comme cette personne là qui utilise une gaule pour, je pense, faire tomber des olives d'un arbre, si je prends un bâton dans la main, mon schéma corporel, la représentation mentale de mon corps est modifiée, et en fait ces mêmes neurones qui ne réagissaient pas tout à l'heure, maintenant que le verre est accessible par le bâton, ils réagissent. C'est-à-dire que le système, le cerveau humain, est capable d'internaliser le fait que les fonctions de mon corps peuvent être augmentées par des outils. Et ça, ça me semble extrêmement intéressant. Il y a ici à Lyon un chercheur en neurosciences, il s'appelle François Ozurac, qui travaille sur l'utilisation des outils par l'être humain, qui a des théories extrêmement intéressantes là-dessus, et des expérimentations extrêmement intéressantes. Et je pense que si l'on arrive à utiliser ces capacités dans le cadre de l'interaction avec des objets virtuels, des objets numériques, je pense qu'on peut fabriquer des interfaces extrêmement intuitives. Et il suffit de regarder, par exemple, ce qui se passe. Si vous donnez à un gamin des craies ou des feutres, une feuille de papier, il va peut-être dessiner 5 minutes sur la feuille de papier, mais après, je vous garantis qu'il va trouver d'autres surfaces qui sont susceptibles d'écriture également, y compris les murs de sa chambre. Et donc, cette autre caractéristique qui va avec la capacité à fabriquer des outils, c'est celle qui consiste à être capable de s'approprier aussi ces outils de manière parfois non prévue. Et en fait, le monde physique, tel qu'il est exploité par l'être humain, est extrêmement flexible. Si on me donne un crayon, un crayon, c'est fait pour écrire, parce que j'ai appris que ça servait à ça. Mais un crayon, dans un autre contexte, ça va être un objet qui est suffisamment rigide, suffisamment rectiligne pour qu'il puisse me servir à tracer un trait, par exemple. Mais il est peut-être aussi suffisamment rigide et de la bonne taille pour servir à caler une table. Et une tasse à café, ici, va pouvoir servir à boire du café, mais va être suffisamment lourde pour servir de presse-papier, ou parce qu'elle a une forme circulaire, va me servir à tracer un cercle rapidement si je n'ai pas un compas à portée de main. Et en fait, nos activités quotidiennes, constamment, font des objets, des outils, même si ces objets n'ont pas été prévus pour ce type d'usage. Et il suffit de regarder le bureau d'un graphiste, par exemple, qui est parsemé de ces différents outils. Et si on observe les pratiques de ces dessinateurs, on va voir qu'ils vont utiliser... D'abord, ils vont être très pointilleux sur le choix des outils qu'ils utilisent. Ils vont aller dans un magasin acheter tel type de crayon, tel type de règle, parce que c'est ce qui leur convient. Dans le monde numérique, il n'y a pas ça. Si vous achetez Excel, vous achetez Excel. Et en plus, on va les voir inventer des pratiques, notamment lorsque c'est des activités créatives, des pratiques nouvelles pour ces objets. Et donc, quand je suis dans le monde numérique, tout ça disparaît. Là, j'avais une image. Telle que je l'ai récupérée, elle avait été dans ses teintes bleues. Si je veux changer la dominante de couleur, ce logiciel, c'est Keynote, il ne me permet pas de faire ça. Alors oui, je peux copier l'image, aller dans Photoshop, bricoler, copier-coller, revenir, etc. Mais je perds un temps infini et c'est pas comme ça que je veux travailler. Je veux pouvoir importer dans Keynote l'outil de colorisation qui est dans Photoshop, de la même façon que dans le monde physique, j'irai au magasin acheter l'objet, l'outil qui répond à mon besoin. Donc en fait, on observe ce grand décalage finalement entre l'interaction dans le monde physique et l'interaction dans le monde numérique. Et donc, comme je le disais, pour permettre cette diversité des usages, il faut des principes unificateurs. Et pourquoi je pense que c'est une bonne approche ? Parce qu'il suffit de réfléchir 5 secondes à pourquoi est-ce que dans le monde physique, on a ces capacités d'appropriation. C'est parce que dans le monde physique, tous les objets sont soumis aux mêmes lois. Même loi de la physique, la gravité, l'inertie, etc. Et donc, on est capable d'approprier les propriétés d'objets qui sont peut-être pas pertinentes pour l'usage prévu de l'objet, mais qui sont pertinentes pour d'autres usages. Alors quand dans le monde numérique, les objets ils sont soumis aux lois des programmeurs, et le programmeur il aura imaginé tel comportement d'un objet dans un certain contexte, et puis dans un autre contexte, un autre programmeur, pour un objet somme toute similaire, aura inventé un autre comportement. Et donc il n'y a pas cette permanence, on ne se repose pas sur des lois universelles, et c'est ce qui rend les systèmes informatiques peu interopérables. Donc dans ce projet One, je veux explorer en fait trois choses. La première chose, c'est d'opérationnaliser en quelque sorte les principes de l'interaction que j'appelle instrumentale. J'aime bien utiliser le mot instrument plutôt que le mot outil, parce que ça fait penser à instrument de musique, virtuosité, expertise, etc. Et puis instrument, ça fait instrumental, alors qu'avec outil, il n'y a pas d'adjectif. Mais bon, donc je vais explorer l'interaction instrumentale et dire, si dans le monde physique, j'ai des objets comme ici le crayon qui a un statut qui me permet de médiatiser l'interaction et de rendre des surfaces écrivables, eh bien, dans le monde numérique, je veux aussi avoir des outils qui vont me permettre de manipuler des objets. Et par exemple, la barre de défilement, c'est un exemple d'instrument qui a été inventé dans le monde numérique pour faire défiler des documents qui étaient plus grands que l'écran. Il n'y a pas d'équivalent dans le monde réel, vraiment, à la barre de défilement, mais si vous avez utilisé une barre de défilement une fois, vous savez comment ça fonctionne. Alors, beaucoup d'interfaces existantes utilisent un petit peu cette approche instrumentale sans le dire. Il y a beaucoup d'applications, notamment de dessin, où on voit des outils, là en bas, des plumes, des feutres, un outil dans cette application Paper pour mélanger les couleurs. Dans des interfaces plus physiques, comme les jeux qui utilisent la Wiimote. La Wiimote, c'est un simple capteur avec des accéléromètres, donc rien de très particulier. Mais vous pouvez acheter tout un tas d'accessoires pour faire de votre Wiimote un club de golf, une raquette de tennis, un volant, pour avoir une interaction plus tangible, réelle, réaliste, avec le jeu avec lequel vous jouez. Et ici, c'est quelque chose, une forme de polymorphisme qui est quelque chose sur lequel je vais revenir dans une seconde. Alors, pour réaliser ces interfaces instrumentales, on s'est rendu compte avec le temps que il ne s'agit pas de dire « faisons des instruments » et puis voilà. Il fallait imaginer des principes qu'on appelle génératifs qui facilitent ce processus de conception. Alors le premier principe est le plus puissant, c'est le plus important en tout cas, c'est le principe de réification, un mot un petit peu barbare qui en fait ici signifie le fait de transformer des abstractions, par exemple la notion de commande ou d'action, dans un objet concret qui va permettre de réaliser cette action, et donc notamment en un instrument. Et l'exemple que j'aime bien utiliser pour ça, c'est l'alignement des objets dans n'importe quel logiciel graphique. Alors dans les logiciels graphiques, vous avez typiquement, soit dans un menu, soit dans une palette, un truc qui ressemble à ça. Alors des fois c'est des icônes comme ici, des fois c'est du texte aligné à droite, verticalement, etc. Et donc pour aligner des objets, vous devez les sélectionner, puis après vous devez les cliquer. En espérant que vous avez choisi la bonne case, sinon il ne se passe pas ce que vous espériez. Et pour moi, ça, c'est pas une interface instrumentale, parce que c'est plutôt une interface langagière. Il faut comprendre le langage de l'ordinateur, que ce soit ce langage visuel des icônes ou le texte qui a été imaginé par le programmeur, pour savoir ce qui va se passer. Et puis une fois que j'ai aligné les objets, le système ne se souvient plus que je les ai alignés. Et donc c'est pas forcément satisfaisant, parce que très souvent, lorsqu'on aligne des objets, on veut conserver les alignements. Et donc nous, on a inventé des systèmes qui s'appellent des guides magnétiques, en se disant, cette commande d'alignement, si on en faisait un objet, qu'est-ce que ce serait ? Ça nous est apparu assez évident qu'il fallait que ce soit un objet qui matérialise l'alignement et qui soit lui-même manipulable. Et donc on a créé une application qui s'appelle Sticky Lines, qui permet ici de créer une ligne, d'aligner dessus des objets, ensuite vous déplacez la ligne, les objets qui sont dessus bougent avec. Si vous dites que la ligne doit distribuer les objets équitablement, la distribution va s'adapter au mode de distribution que vous choisissez, aux objets que vous rajoutez et que vous enlevez. On peut aligner sur plusieurs lignes à la fois, ça paraît la moindre des choses, et on peut également, on va le voir dans une seconde, voilà, créer une ligne et puis attraper les objets au passage pour les aligner. Le système peut proposer des alignements, comme certains le font actuellement, sauf que si je lâche l'objet, eh bien, l'alignement est réifié en un guide que je vais pouvoir réutiliser et modifier. Ces sticky lines, elles nous permettent également de faire ce qu'on appelle des tweaks, c'est-à-dire des ajustements, parce que souvent, des objets comme des logos, n'ont pas une forme régulière. Et donc, si on veut les aligner, il faut tricher un petit peu. Et donc ici, cette triche, on la manifeste par ce petit trait mauve, qui est lui-même un objet que je peux copier-coller et l'appliquer ici au croissant de droite pour appliquer le même décalage et en fait tricher avec ce qui était le centre, enfin la forme, le cadre géométrique de l'objet. Alors on peut tricher également en disant que le cadre de l'objet ne contient pas forcément tout l'objet. Ça permet de faire facilement des alignements qui sont quasiment impossibles à faire avec des outils classiques. Et dans la dernière séquence, si je ne m'abuse, ce que l'on va voir, c'est que si j'ai des objets qui sont distribués sur une ligne, lorsque je vais changer, on vient de les distribuer, si je change maintenant la boîte englobante de l'objet, la distribution va également se mettre à jour pour qu'elle soit visuellement équilibrée. Et puis on peut après continuer, dire je vais mettre les objets sur des cercles et pas seulement sur des lignes, etc. etc. Je vais passer la fin de la vidéo ici. Donc la réification, c'est un concept puissant parce que en partant de cette idée simple de transformer la commande d'alignement en un objet servant à aligner, j'ai pu réaliser tout un tas d'opérations qui n'existaient pas avant et qui sont, en tout cas dans notre expérience, extrêmement faciles à comprendre et à approprier. On a travaillé avec des designers qui ont utilisé ces guides d'aliment d'une manière qu'on n'avait absolument pas prévue. Par exemple, les tweaks, cette ligne orange, mauve plutôt, qui permet de décaler un objet, ils l'ont utilisé de manière extrême pour en fait mettre un objet à l'autre bout de la page, mais il est resté aligné à une ligne qui était en bas, et ça permettait de manifester un groupement d'objets, ce qui n'était pas du tout ce qu'on avait envisagé au départ. Alors, le deuxième principe qu'on utilise beaucoup, c'est le polymorphisme, autre mot barbare, mais bien connu des informaticiens et des gens qui travaillent dans le langage, notamment. Et l'idée ici, c'est que on veut que les instruments puissent interagir avec des contenus, même s'ils ne savent pas tout de ces contenus. Et de la même façon, les contenus doivent être prêts à être manipulés par des instruments qu'ils ne connaissent pas forcément. Si je prends un exemple très simple, qui est le sélecteur de couleurs, si vous êtes dans la suite Office, vous avez des trucs comme ça. Si vous êtes dans la suite Adobe, vous avez des trucs comme ça. Si je veux choisir une couleur dans Photoshop et utiliser la même couleur dans PowerPoint, je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire. Et surtout, alors je peux faire par des copier-coller où j'écris sur un bout de papier les coordonnées RGB du truc, mais enfin, quand même. Donc pourquoi je ne peux pas utiliser ce sélecteur de couleurs-là avec cette application-là? Pourquoi je ne peux pas créer ma propre palette? Pourquoi je ne peux pas utiliser cet objet que j'aimerais bien avoir, qui est un objet qui permet d'aller sélectionner des couleurs dans le monde physique et de les enregistrer. Donc ce que l'on veut, c'est vraiment découpler les outils des applications pour que chacun se constitue sa propre application, en quelque sorte, à façon. Alors le troisième principe sur lequel on a aussi travaillé, mais que je ne vais pas détailler, c'est le principe de la réutilisation. C'est-à-dire qu'on veut en fait réifier l'historique de l'interaction, mémoriser ce qui a été fait par le passé pour pouvoir le réutiliser plus tard. Alors Aurélien Tabar, je ne sais pas si Aurélien est là, oui, en son temps avait travaillé sur certains aspects de cette réutilisation dans le contexte de la navigation web, où en fait on enregistrait les liens qu'on avait sélectionnés sur la page, avec la page où on était, pour que lorsqu'on revient sur cette page plus tard, on retrouve ces liens-là ou les informations qui avaient été consultées. C'est un exemple, mais c'est très important parce que l'être humain est feignant et il aime bien réutiliser ce qui a déjà été fait plutôt que de toujours tout refaire à zéro. Donc, premier grand concept, c'est l'interaction instrumentale. Le deuxième, et qu'on a développé plus récemment, c'est la notion de substrat d'information, parce qu'on s'est rendu compte que les outils, c'est très bien, mais si on veut vraiment décupler le pouvoir des outils, il faut savoir un peu mieux avec quoi ils interagissent. Et on s'est inspiré ici de la notion de substrat qui existe en biologie, avec un substrat nutritif qui permet à des plantes ici de pousser. Dans le domaine des matériaux aussi, où certains substrats vont être créés pour pouvoir assembler des objets entre eux ou pouvoir avoir certaines propriétés mécaniques. Mais aussi, ces substrats d'information, on peut dire qu'on les trouve dans les activités de l'homme. Lorsqu'on a inventé la notation de la portée musicale, eh bien, cette portée, c'est un substrat d'information. Lorsque je vois une portée, je sais que les petits ronds qui sont dessus doivent être interprétés comme des notes. Et en plus, la portée me renseigne avec la clé, etc. Même cette palette de peintre à gauche, qui paraît pas vraiment structurée, c'est un substrat d'information. Le peintre, il n'a pas choisi de mettre les couleurs au hasard. C'était en anticipation de comment il allait vouloir les mélanger. Et en fait, même dans nos applications informatiques, on a déjà ces notions de structure informationnelle dans lesquelles viennent s'intégrer des informations, comme évidemment les formules d'un tableur, mais aussi les organisations en couches que l'on trouve dans les logiciels comme Photoshop. Donc, à nouveau, pas une notion extrêmement nouvelle en soi, mais ce qui est peut-être nouveau, c'est de lui donner un statut à part entière et de dire que finalement, ce qui va constituer un objet informatique, un objet numérique, c'est une superposition de substrats d'informations qui vont correspondre à plusieurs niveaux d'interprétation. Donc, j'ai peut-être un capteur quelque part dans la nature qui m'envoie des informations que je vais capter dans une table de données, donc un premier substrat. Ensuite, sur cette table, je vais vouloir faire des statistiques qui vont se manifester par un graphe, qui va être un deuxième substrat d'information. Donc ce graphe, ça peut être une ligne, ça peut être un histogramme, etc. Il va être ensuite transformé en un troisième substrat qui sont des formes géométriques, ici des rectangles, et ces formes géométriques vont finalement être transformées en pixels à l'écran. Et sur les pixels, je vais vouloir, par exemple, annoter en entourant ou en surlignant des parties. Sur les formes, je vais pouvoir modifier les caractéristiques des formes, par exemple leur couleur. Sur le graphe, modifier le type de graphe. Et sur les données, sur la table de données, aller modifier des valeurs. Et donc, vous voyez que cet objet multiniveau, finalement, à chaque niveau correspondent certains types d'instruments, d'outils, qui ont des capacités spécifiques à ce niveau. L'intérêt, c'est que évidemment d'autres formes de substrats vont pouvoir intégrer ce même niveau, par exemple des formes géométriques et des pixels, et on va pouvoir ainsi partager des instruments entre des contenus de nature très différente. Alors, on a également expérimenté ce genre d'approche avec des applications dans le domaine de la musique. Donc ici, une application Musink, où le compositeur peut en fait annoter les partitions. Le système reconnaît certains types de gestes, comme les gestes de scoping, qui permettent de déterminer une partie de la partition. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que le musicien, le compositeur, peut créer ses propres gestes et décrire à l'ordinateur la façon dont ils doivent être interprétés. Par exemple, cette ligne-là, je peux dire à un moment donné, c'est le symbole que j'ai utilisé pour faire un tri. Mais peut-être plus tard dans la composition, je vais dire, bon, c'était le symbole d'un tri, mais en fait, c'est plus que ça. Je veux vraiment qu'on exploite la forme que j'ai tracée pour contrôler un élément de la synthèse sonore. Et donc, c'est ce qu'on appelle cette semi-structured delayed interpretation, l'interprétation qui peut être retardée, où l'utilisateur n'a pas besoin de dire au départ comment il va donner du sens à toutes ces... À tous ces gestes, à toutes ces notations. Il pourra le faire plus tard, il pourra revenir en arrière. Alors, vu que le temps passe, je vais passer cette autre vidéo où on a fait un petit peu la même chose, mais cette fois-ci avec un support papier, avec le même stylo électronique qu'on a vu plus tôt. Et en fait, au lieu de faire ça sur écran, on peut utiliser des morceaux de papier qu'on assemble, qu'on superpose et avoir une interaction beaucoup plus physique. Dernier point, c'est la notion de partage universel. Je considère que aujourd'hui, le fait que les boutons chers qu'on voit apparaître partout sont en fait des arnaques totales, parce que vous partagez rien, vous envoyez des copies. Donc vous ne maîtrisez pas ensuite ce qui leur arrive. Et je pense qu'on peut, et on a les moyens techniques, de faire du partage réel et de maintenir du coup... la notion de propriété et de contrôle sur des données. Et on a réalisé une application qui s'appelle WebStraits, qui tourne dans l'environnement du web, qui à première vue fait penser à Google Docs, mais en fait qui n'est pas du tout Google Docs, parce que justement on ne force pas l'interface de manipulation des documents. J'ai ici un document qui est sous une forme textuelle non formatée. le même document sur la tablette est formaté dans un format d'article en deux colonnes. Et lorsque l'utilisateur édite le texte à gauche, il se met à jour instantanément à droite. Et il peut donc à la fois travailler sur cette vue-là ou voir ce que ça donne. Il peut insérer une figure, la créer sur une tablette. Elle va apparaître en temps réel dans les différents documents. Un autre utilisateur ailleurs peut prendre cette figure à main levée et puis utiliser un autre éditeur pour en faire une figure propre avec des rectangles. À nouveau, ça va se mettre à jour instantanément dans toutes les pages qui visualisent le même document. Notre interface ici, ces outils d'édition, sont eux-mêmes un document. C'est normal, c'est le web. Et donc en particulier, j'ai un outil qui me permet de réaliser des citations. Je peux donc citer une entrée dans une bibliographie par son mot-clé. Le système va aller la chercher. Enfin, l'outil en question contient le code qui va aller chercher la référence, l'ajouter à la fin. Et en fait, grâce à ça, grâce au fait que ces outils sont eux-mêmes des documents, je peux, par un simple copier-coller, aller ouvrir l'éditeur de mon voisin et lui coller l'objet en question, donc l'outil, dans son application. Et maintenant, il a un nouvel outil qui s'appelle Cite, qu'il n'avait pas au préalable. Alors à partir de là, on sait faire aussi beaucoup d'autres choses. On sait utiliser ce même outil de citation, par exemple, dans le contexte d'un éditeur de transparent. On peut faire en sorte que lors de la présentation, l'auditoire a accès à une version des transparents sur lesquelles il peut mettre poser ses questions. Et le session chair peut mettre les questions dans le dernier transparent du présentateur qui, quand il va arriver à la fin de sa présentation, verra les questions qui ont été posées par l'auditoire. Alors pour finir très rapidement, le dernier niveau de cet échafaudage, c'est les environnements interactifs. C'est-à-dire comment créer des environnements, on l'a un petit peu vu avec WebStraight, dans lequel finalement le passage d'un ordinateur à l'autre, d'un appareil à l'autre, les données, tout ça transite de manière fluide et simple. Alors on travaille beaucoup sur des environnements, des salles interactives munies de grands murs d'écran, combinés avec du papier interactif, combinés parfois avec de la manipulation d'objets 3D, combinés avec de l'interaction tangible ici, un cerveau qui nous permet de contrôler l'orientation des cerveaux qui sont affichés sur le mur. Et dans ce genre d'application, ce que l'on cherche, c'est à rendre complètement transparent l'aspect distribué. Dans cette plateforme, on a une vingtaine d'ordinateurs, il en faut 16 pour alimenter le mur d'image, il y a une table, il y a des smartphones, des tablettes, etc. Mais pour l'utilisateur, tout ça est finalement relativement transparent. Il peut créer le contenu de son écran depuis la table interactive. Et puis un autre utilisateur peut arriver avec son smartphone, on le voit assez mal. Il a un pointeur, une espèce de pointeur laser qui lui permet de manipuler les objets. Et tout ça se fait de manière fluide. Donc en conclusion, l'objet de ce projet One, c'est d'expérimenter avec ces concepts de substrat, d'instrument, d'environnement, de fabriquer de faire du prototypage, à la fois du prototypage papier pour expérimenter les idées, et du prototypage réel pour les mettre en œuvre, et de voir si vraiment ce sont des idées qui tiennent la route et qui permettent d'obtenir les résultats escomptés en termes de unification par l'unification de ces principes, d'arriver à la diversité des interfaces. Donc pour conclure, je ne peux pas m'empêcher de faire une référence à Doug Engelbart, qui, dès les années 60, avait imaginé que les ordinateurs n'étaient pas là pour faire des choses à la place des humains, mais étaient là pour, en fait, augmenter l'intellect humain, et que la puissance des ordinateurs, combinée à l'intelligence collective de groupes d'utilisateurs, était vraiment le moyen de faire avancer non seulement les connaissances, mais aussi les capacités humaines. Mais aujourd'hui, on est encore loin du compte. On entend beaucoup parler de human in the loop, de l'humain dans la boucle. Et quand j'entends cette expression qui a le don de me hérisser, je ne peux pas m'empêcher de penser à Charlie Chaplin dans les temps modernes, où l'être humain, grâce ou à cause de l'industrialisation, se retrouve à être finalement un rouage dans la machine. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est l'ordinateur dans la boucle de l'activité humaine. De la même façon, ici, que ce violoniste qui utilise un violon augmenté conçu par l'IRCAM, ce violon augmenté va modifier les capacités acoustiques du violon en fonction du jeu et donc du violoniste. Et donc, on est dans une logique ici d'augmentation, mais aussi de partenariat homme-machine, où se déroulent des choses qui ne sont pas forcément toujours prévues, mais en tout cas, c'est l'humain qui garde le contrôle. Et donc, je pense que les architectures ouvertes, les principes d'unification, sont là pour permettre justement cette créativité en permettant la diversité des usages et en étant mieux adapté aux capacités humaines. Et si on m'autorise 1 minute 30 de vidéo, je vais vous présenter un dernier projet qui a été réalisé avec, donc toujours par Jérémy Garcia, avec ici le compositeur Philippe Leroux. Sur, l'idée, c'est de réexploiter en fait le graphisme du manuscrit et lui donner un sens nouveau en utilisant toutes les données qu'on peut en extraire, c'est-à-dire par exemple l'épaisseur du trait. Donc le compositeur, il est intéressé par le manuscrit, mais pas pour les notes et pour rejouer ce qui a été mis sur cette partition, mais pour prendre les contours, les formes géométriques qu'on capture ici grâce à toujours au même stylo sur une interface papier, et en fait pour ensuite travailler ces formes dans des outils de composition, Open Music, Max, etc. Et faire son processus créatif comme ça. Sur la partie de cette forme-là. Qui correspond à cet élément-là. Et qui nous donne donc des trajectoires qui sont utilisées là directement par les voies sous forme de glissé. On part cette fois d'un nœud qui est un punctum et qui donne donc ces trajectoires-là. On reconnaît la forme, là, plus ou moins. Si je les lis de façon un peu plus dilatée, elles sont comme ça. Voilà, dilatées dans le temps. Et donc là, ce sont le violoncelle et la guitare, en fait, qui suivent exactement les contours de ce nœud. Merci. On a du temps pour une ou deux questions, peut-être ? Sept minutes. Ah, faut attendre le micro. Ça marche ? Non ? Problème d'outil. Test. Voilà. Donc merci pour votre présentation. Les outils que vous avez développés, comme celui pour les alignements, etc., du coup, pour gagner en modularité, vous les avez fait sous la forme de plugins qu'on peut ajouter à des logiciels déjà existants ? Non, mais c'est ce qu'on veut évidemment faire. Les logiciels existants, ils sont quand même extrêmement contraints, même ceux qui permettent de réaliser des plugins sont extrêmement contraints. En fait, je suis content que vous posiez cette question parce que j'ai pas eu le temps d'aborder ce point-là, mais effectivement, une fois qu'on a un outil d'alignement comme CGuide, il n'a pas besoin d'être limité à des formes géométriques qui sont dans des schémas, dans des dessins. Donc on peut l'appliquer, moi j'aurais bien l'appliqué par exemple pour pouvoir aligner les fenêtres sur mon mur d'écran ou les icônes dans mon Finder ou n'importe quel objet pourvu qu'il ait une position. En fait, tout ce qu'on demande c'est que l'objet ait une position pour qu'il puisse être alignable. Mais on peut même aller plus loin et dire en fait, ces objets d'alignement ça peut être aussi des formes qui existent déjà. Et par exemple, je pourrais imaginer qu'une fenêtre de l'écran, elle a un cadre, et bien que je puisse transformer ce cadre en un guide d'alignement pour attacher des icônes sur le bord du cadre, par exemple. Donc c'est exactement l'idée. Après, il y a une décision à faire. C'est-à-dire, est-ce qu'on essaie de mettre ces principes dans le cadre des applications et des environnements déjà existants, ce qui est extrêmement compliqué. On a fait des choses assez tordues dans le genre, de l'injection de code dans des applications, etc., mais c'est toujours très frustrant. Et donc, moi, je préfère faire des preuves de concept sur des applications qu'on maîtrise de A à Z. On travaille beaucoup avec l'environnement du web parce que ça offre plus de flexibilité pour faire des preuves de concept parce que voilà, il faut savoir où on met l'essentiel de son effort. Mais ce serait effectivement l'objectif, que ce soit beaucoup plus général même que ce que j'ai montré. Oui, bonjour. Juste, du coup, ces outils, est-ce qu'ils sont disponibles en test quelque part ou est-ce qu'on pourrait les expérimenter pour des événements d'innovation ou des choses comme ça? Oui, avec plaisir. Sur Sticky Lens en particulier, je ne sais plus si on l'a mis, mais enfin, on est vraiment disposé à le mettre à disposition de gens qui sont intéressés ou une grande partie de notre activité. Notre équipe s'appelle désormais, elle s'appelait In Situ pour interaction située. Maintenant, elle s'appelle Ex Situ pour Extreme Situated Interaction. Parce qu'on est intéressé à travailler avec ce qu'on appelle les utilisateurs extrêmes et notamment des utilisateurs créatifs. Parce que vous avez vu ce qu'a fait le compositeur à la fin. On a des choses similaires avec des graphistes, par exemple. Et donc, ces utilisateurs, pour nous, ils sont à l'avant-garde. C'est-à-dire qu'ils anticipent des usages qui, demain, seront des usages absolument normaux. Donc, en fait, on est toujours à l'affût de communautés d'utilisateurs qui sont prêts à expérimenter, à jouer le jeu. Et donc, oui, ces logiciels, alors ils sont évidemment dans des états de prototypes divers et variés, mais on est certainement disposé à les mettre à disposition ou à venir travailler avec des utilisateurs potentiels. Alors oui, Aurélien me souffle que ce que j'ai montré à la fin, le logiciel WebStraight, est disponible sur GitHub. Il est en fait assez robuste, puisque les auteurs principaux du logiciel, qui sont au Danemark, l'utilisent quotidiennement. Et en fait, l'article sur WebStraight a été écrit entièrement avec WebStraight. Et le PDF qui est dans la digital library, il sort du browser. Il n'a pas été retravaillé derrière, etc. Donc c'est un système, effectivement, qui marche. Pardon ? Oui. Oui, oui. Non, celui-là, il est effectivement... vous savez, c'est le problème de la recherche dans plein de domaines. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut décider si on met un effort de développement important. Ici, nos collègues danois ont réussi à mettre plusieurs ingénieurs pour justement endurcir le code, le rendre robuste, etc. etc. Dans d'autres cas, on fait une preuve de concept et puis on ne peut malheureusement pas aller plus loin, sauf s'il y a des partenaires intéressés. Voilà, une dernière question. Oui, allô ? Oui, ça marche. Oui, je disais simplement, c'est par rapport à comment l'intégrer sur d'autres logiciels. Je parle de ce WebStraight. C'est simplement le problème qu'on rencontre souvent avec des logiciels comme Photoshop, c'est qu'ils se mettent à jour régulièrement. Et voilà, après, les plugins, les machins ne suivent pas et ça devient un vrai bordel. Voilà. Oui. Le problème d'intégrer un outil qui pourrait être utile, parce que là j'y sentirais vraiment utile, notamment avec Affini Designer. Voilà. Alors on vient d'avoir un article qui est accepté à la prochaine conférence Sky, où on a étudié les mises à jour de logiciels. On a étudié l'expérience utilisateur des mises à jour système. En bref, c'est catastrophique et je pense que ça, tout le monde en a fait l'expérience soi-même. Et je pense qu'il y a une vraie question, c'est-à-dire que quand vous êtes un musicien, on vous met pas, si vous êtes un joueur de piano, on vous change pas la configuration du piano tous les 6 mois. On vous dit ah bah tiens, maintenant il y a des touches bleues en plus des blanches et des noires, ou on a changé de gamme, etc. Et dans le monde logiciel, c'est ce qui donne l'impression que le logiciel est flexible, etc. Parce que ça change toujours. mais ce changement, ce n'est pas forcément une force. Et donc, je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir sur comment gérer les mises à jour. Et je pense qu'il y a deux types de mises à jour. Il y a des mises à jour qui sont des mises à jour qui sont transparentes pour l'utilisateur, qui peuvent ajouter des fonctionnalités, mais qui ne détruisent pas ce qu'il sait déjà faire. Et puis, il y a des mises à jour qui, elles, sont plus destructives ou transformatives. Et je pense que ça, il faudrait être capable de l'expliciter. Et je considère qu'avec des logiciels qui sont plus modulaires, eh bien, c'est une bonne façon de le faire. Parce que chacun peut choisir de mettre à jour son outil XYZ ou pas, et à charge au logiciel de maintenir la compatibilité. Pardon ? Et en plus, utiliser seulement ce dont on a besoin, parce qu'effectivement, quand on vous annonce que la prochaine version de Word a 150 fonctions nouvelles, ça n'a absolument aucun intérêt autre que... Absolument. Mais bon, voilà, là, il faut parler aux éditeurs de logiciels, c'est plus dans nos mains. Eh bien, merci beaucoup, Michel. Merci. Et on part pour une pause d'une bonne demi-heure avec du café qui vous attend juste à la sortie. Merci beaucoup.